Troisièmement, ce flambement flottant sur les nuits éternelles entrait de plus en plus dans mes vagues prunelles. Je compris où j'étais, et j'eus un tremblement. Car soudain j'aperçus, dans ce rayonnement semblable aux visions que voyaient les prophètes, les sept anges pensifs qui tiennent sept trompettes. La clarté se mêlait à leurs cheveux vermeils. Ils étaient là, debout, les yeux baissés, pareils aux sept géants qui sont sur le palais Farnèse. Et, comme lorsqu'on est devant une fournaise, ils étaient noirs, ayant derrière eux la clarté. L'abîme obscur, hagard, funèbre, illimité, semblait plein de terreur devant cette lumière. J'essayai de prier, mais en vain. La prière rentra dans mon esprit comme un oiseau qui fuit et rentre au nid, tremblant, parce qu'il fait trop nuit. Et je restai glacé devant la clarté blême, comme si j'eusse été quelque abîme moi-même.